Bah, les soirs, il y avait Quaroy, qu'on appelait le Quaroy. Le Quaroy, c'est un mot faubourg, ça. Alors, vous aviez les vieilles personnes qui sortaient devant la porte. Souvent, il y avait deux, trois marches d'escalier. Mmh. Elles s'assoyaient, les jeunes venaient autour et elles racontaient des histoires du temps passé. C'est vers quelle année, ça? Oh, c'est encore pas tellement... Moi, j'ai connu ça, disons, vers les années jusqu'en 60, 70 même. Hein. Ah oui...